Bonsoir. Alors, en manchette ce soir, on parle de réveil matin, de congé de Noël et de cannibalisme. On est en studio, on ne se fera pas vomir parce qu'on a plein d'amis et puis on a ramené Zombie pour qu'il se charge la chose. Ouais. Zombie, bonjour. Et Zombie qui évolue dans le bon sens. Faut dire que l'hiver, ça l'aide beaucoup, hein, parce que ça ralentit sa décomposition. On a Emma aussi qui est revenue nous voir. Parce que la semaine passée, c'était très drôle. Oui, je pense que oui, on a appris des vraies affaires à propos de Garou. Moi, j'étais encore en train de placer mes patentes, là. Je vais partir notre trame sonore de fond. Aujourd'hui, parce qu'il nous reste beaucoup de Réal V. Benoît, j'ai amené, en fait, c'est une espèce de montage. Comme là, ça vient de Seven Guests. Qui va en avoir de tous les goûts. Là. Sinon, ben, je vais parler un petit peu de TC2000, qui est mon film spécial de la semaine. Oui. Bruno va parler de Réveil Matin. Toi, Israël? Je vais poser des questions très pertinentes à Zombie ce soir. Oh. Comme d'ailleurs, la première, qu'est-ce que tu penses, toi, des caricatures de Mahomet? C'est, où est-ce que tu te places dans ce conflit-là qu'il y a eu il y a 2 ans? Excellent. Zombie qui a une... qui apporte les points et les faits. Répartie sans reproche. Hey, chiale donc pas de Réal V. Benoît, c'est-tu pas pire, ça? Ouais, c'est une excellente chanson. Fait qu'on va écouter ça, puis on va revenir à 70% à parler des vraies affaires avec tous les amis en studio. Oui. Réal V. Benoît, qu'on va avoir en fait la troisième et dernière partie de son entrevue. Un très bon, sympathique bonhomme. Puis d'ailleurs, on a oublié de mentionner le site internet, là, on va le dire tout de suite, là, pendant qu'on y pense. Réal V. Benoît. Pas de ponctuation, rien.com. Vous allez voir, il y a une très belle photo du gaillard souriant, puis vous pouvez acheter tous les albums que vous voulez. Oui, puis ça va, c'est aussi bien de passer par lui pour les acheter. Et voilà, bien dit. On écoute la toune, c'est quoi déjà, j'ai dit? Chiale donc pas, man. Chiale donc pas, puis on vous revient à 70%. Tout ce qui se fait mieux, mon vieux. Je suis tes deux yeux, mon vieux. Et puis toutes tes doigts, si t'es enchanté, heureux. T'en vis comme un roi, t'as tout ce qui se fait mieux, mon vieux. Chiant encore, chiant encore, chiant encore. Guy, c'est lequel le meilleur humoriste hockeyeur? Mon Dieu, on joue pas contre tout le monde, mais j'aurais tendance à dire modestement que je donne pas ma place. Oh, non, non, non, non, sérieusement, mon Dieu, non, Stéphane Fallu me fait rire, et, ben, c'est parce que c'est pas sérieux notre affaire, fait qu'on okay. On déconne plus que d'autres choses, mais on joue quand même au hockey Cosum, mm-hmm. On joue une vraie partie, mais notre objectif est vraiment, tu sais, on a tout... 30-40 ans, puis 25 livres en trop, fait que pas question qu'on se donne à 100% là-dedans. Là. Okay. Mais non, de toute façon, tu es à 70% ici. Exact. On s'en va retourner écouter l'entrevue avec Réal V. Benoît, on revient dans 10-15 minutes. Quand on n'est pas là, parce que je sais que demain, le gars, il va en passer quelques... Je le sais, ça, il me l'a dit avant que je parte. Mais il y en a une autre radio où on a frappé à la porte, c'est chez nous, là, c'est à Rouen, là. Puis on est allé les voir, puis le monsieur, il dit, il est gentil comme tout, là. Il dit, moi, je peux bien envoyer votre album à Montréal si vous voulez, mais il dit, ils la joueront pas. Ça, il dit, je suis pas sûr qu'ils vont l'écouter. Il dit, je peux-tu avoir le nom de la personne qui va la recevoir pour au moins y téléphoner, voir si elle l'a reçu. Il dit, il te répondra pas. Il dit, je vais te le donner son numéro, mais il dit, il te répondra pas, tu sais. Ça. Fait que toi, j'ai dit, t'es-tu capable d'en jouer quelques coupures? Il dit non, on n'a pas le droit. Ben oui, ils sont gérés par un CRTC. Faut que ça vienne, c'est faut que ça vienne de Montréal. Ben non, mais justement, c'est ça jouer des tunes d'un artiste de la région. C'est un peu dégueulasse parce qu'ils viennent chez nous puis ils ont des commanditaires à toutes les 15 minutes. Les autres là qui passent dans leur radio, qui viennent chercher des commanditaires chez nous. Puis ils n'ont pas le droit de jouer des artistes locaux. Je veux dire, c'est un petit peu. Ils vont jouer des chansons anglophones, des artistes américaines. Puis ils ont des artistes locaux qui font pas jouer. Tu sais, il va dire, il faut que je vous fasse découvrir un chanteur du Zimbabwe. Pour payer pour que ça joue. On n'a rien contre le Zimbabwe, mais on s'en sacre. Tu des chanteurs du Zimbabwe, nous autres, là, tu sais, quand il dit, faut que je vous fasse découvrir ça, oui. Ben, en fait, en plus, c'est une légende vivante, là. Merci beaucoup. Premier punk au Québec, il écrit ses propres textes, il s'est débrouillé, il a fait ses affaires de son côté, travailler à mine, avoir une carrière, une famille, puis faire des shows en même temps. Non, ça, respect, ça, c'est pas facile. Puis en plus, l'industrie qui décide de te piler dessus pour des raisons comme c'est pas de ma faute, c'est à Montréal qu'il faut aller voir. Moi, je l'aurais passé pareil. Puis j'aurais dit à mon boss, mais moi dehors, j'en ai rien à elle faire. Parce que tu connais rien. Elle travaillerait peut-être plus là, la personne. Tu sais, je veux dire, elle dit, je vais l'envoyer là-bas, ça va te coûter un time. Puis non, il dit, demoiselle, je vais le mettre dans la poste interne. Il dit, au moins, tu payeras pas le time. Tu sais, tant qu'à être en terrain musique, allons-y. En parler, oui, t'as un nouveau disque, Trésor retrouvé, puis tous tes autres disques, on peut les commander sur ton site, j'imagine. Ben moi, pour les gens qui écoutent. Moi, je dis que c'est sûr, si tu vas chercher un bout, tu vas l'avoir, ou si tu vas dans des magasins. Un magasin de musique dans Réal ne verra pas la couleur de l'argent si vous t'arrêtes à Saint-Jovite chez Polisson, tu vas l'avoir, je veux dire. Mais moi, j'aime bien mieux que tu passes par chez nous, j'aime bien mieux que tu passes par realvbenoit.com parce que là, le retour à l'artiste est 5 fois plus. Je veux dire, c'est pas compliqué, plus, t'as pas d'intermédiaire. On utilise l'indépendance qui nous est très chère dans le processus de création. C'est realvbenoit.com, c'est clair. Comme tu peux commander directement sur... Ah oui? Ben oui. J'imagine, je pense que tu vas me faire le mien. C'est personnalisé, 4 commandes par l'Internet, le monde, les gens. On va leur dire, je pense. Realvbenoit, d'un seul mot, pas d'accent.com. REALVBENOIT.com. Puis vous allez voir le site, c'est très beau. On peut écouter des chansons en plus. D'ailleurs, on oui. On peut downloader les chansons depuis le site. Ça, c'est tout beau. C'est là, quelque chose de très, vraiment très cool pour le monde, ça, de pouvoir écouter les chansons sur Internet. Là, depuis les artistes, tu montres un 15 secondes de tune. Puis... C'est mon ami qui fait ça. Je veux dire, là, je te dis, je t'ai pas embolé d'internet tantôt. Mon ami, c'est lui qui fait tout ce qui touche l'internet. Ouais, tout ce qui touche la page web. Ouais. Tout a tourné la page vers l'informatique. C'est lui qui fait ça. Faire un autodidacte, par exemple. Ça se fait pas tout seul. On l'a pas appris l'école. On a en même âge, moi, puis lui, on apprend pas. Mais lui, ces choses-là, ça l'attire, puis il travaille là-dedans. Ça veut dire, t'as-tu un jeu vidéo préféré, là? sais pas, j'ai pas le temps. Là, mon jeu vidéo préféré, c'est Apple Web d'ailleurs. J'ai 2 ans de travail. Ça fait 2 ans que tu joues avec. Oui, il est pas encore rendu à la fin, mais il va y arriver. Hey, mais tantôt, on a parlé de la mine un petit peu, parce que moi, mon papa, en 75-76, a travaillé pour la mine Noranda. Puis il m'a raconté des affaires assez épeurantes qui a fait qu'il a changé d'emploi pour aller vers Hydro-Québec par la suite. Et puis, c'est ça, il me disait des fois, il fallait qu'il marche en haut de grandes cuves de soufre. Puis, tu sais, les autres, ils dropent du minerai là-dedans pour le faire fondre. Puis lui, il respirait plein de vapeur en haut. Puis là, à un moment donné, puis il y avait même pas de barre là, pour le protéger. Il faisait juste marcher, puis il y avait une rampe à gauche. Mais tu sais, il y avait pas vraiment de protection overload. Là. Puis ouais, c'est ça, des fois, en fait, quand il a commencé, lui, il y avait pas de masque. C'est par la suite qu'ils ont commencé à mettre des masques. Parce que là, il a passé des tests de sang, puis ils se sont rendus compte qu'il y avait une dose de plomb anormale dans son sang. Puis tu sais, mon père, en 75-76, je suis pas encore né, le plomb, ça rend stérile. Je le remercie d'avoir changé d'emploi à ce moment-là. Mais, je veux dire, des problèmes de santé comme ça, des anecdotes de la mine de Noranda, là, un coup que tu travailles plus là, t'en as-tu des épeurantes à nous raconter? Ben moi, tu parles de la mine Noranda. Moi, je travaillais pas dans les smelters comme ton père. Là. Okay. Je travaillais sous terre, mais si j'avais un choix, moi, je choisirais sous terre comme j'ai fait 10 fois avant d'aller travailler dans un smelter, comme tu viens de parler. Je suis allé à quelques reprises. C'est là que tu fonds le minerai. Une fonderie. C'est comme une fonderie, mais c'est là que tu fonds le minerai. Moi, je suis allé à quelques reprises visiter ça. Puis comme tu viens de mentionner, il faut absolument que tu aies des masques. Il y a des endroits dans le smelter, mais dans d'autres, tu peux pas retirer ton masque, mettons, prendre une bouffée d'air à l'extérieur. Il faut que tu gardes ton masque sur... Même si t'es dehors. Là. Ah, ben quand tu sors dehors, oui, mais je te parle à l'endroit où ça se passe, comme tu disais ton père tantôt. Il y a des endroits, c'est extrêmement chaud, des endroits, c'est extrêmement froid. Moi je te dirais, pour être franc, j'enverrais pas un chien, moi, travailler dans le smelter à ces endroits-là. Les syndicats d'avoir pris le contrôle un peu. Les syndicats, faut leur donner aussi du crédit, parce que quand moi, je commençais à travailler dans les mines... Quand je commençais à travailler dans les mines, il y avait quelque chose comme une trentaine de morts par année dans les mines de l'Abitibi. Disons le Québec. Okay. Il y avait, ouais, parce que ça vient de l'Association minière du Québec, ces chiffres-là. Là. Puis c'est des chiffres exacts. Là. Quand moi, je commençais à travailler dans les mines, il y avait une trentaine de morts par année. Quand moi, j'ai quitté les mines, grâce aux syndicats puis grâce aux compagnies qui ont été obligés de mettre plus de sécurité. Puis il y a des gars, à cette heure, il y a un gars de sécurité dans chaque mine qui existe. Il y a une personne de la mine qui travaille en collaboration avec les membres du syndicat en santé et sécurité pour améliorer les méthodes. Quand moi, je suis parti de la mine, là, il y a 2 ans, il y avait quelque chose comme une moyenne de 4 décès par année dans les mines du Québec. Tu vois, comparé à 30... En 1960, dans les années 50-60, 30 morts. Dans les années 2005, 4 morts en moyenne. Tu sais. Ben, il y a déjà des morts. Puis, ouais, mais il y en a sur les routes aussi. Il ne faut pas penser que... C'est dangereux, mais pas. Ouais. Moi, je pense qu'on fait plus attention sous terre dans une mine que souvent en conduisant une auto. Pourquoi? Parce qu'on est dans le noir. On marche dans des galeries étroites, on descend dans des monteries aussi étroites. Je veux dire, il fait noir, tu sais que tu peux glisser dans les échelles, tu sais, un paquet de choses qui font que t'es plus alerte que si tu conduis ton auto qui est un geste de routine. Un geste de routine où tu peux jouer avec ton radio, tout à fait. Tu t'en vas dans la mine, on dirait que t'es tout le temps conscient qu'il peut t'arriver quelque chose à un moment donné si tu fais pas attention. Est-ce que c'est le fun? Moi, me semble, j'aimerais ça aller kilomètres sous terre. Puis... Sais-tu ce que j'aimais le plus? C'est la température. Nous autres, dans l'Abitibi, tu as vécu là, on a des températures qui vont de moins 30 à plus 30. Là. Ouais. Mais si tu vas sous terre, ça va être entre 5-10 degrés. Puis que ce soit moins 30 dehors, toi, tu descends sous terre, c'est 5-10 degrés. Que ce soit plus 30 sous terre, en haut, tu descends sous terre, c'est 5-10 degrés. Donc, tu dis, je mets un habillement, une chemise de telle façon, des pantalons, puis tu sais que ça va c'est être tout le temps ça que tu peux mettre, ça va être confortable. Là, si tu t'en vas dans des places où il pleut plus que d'autres, bien là, tu te mets un costume de robeur. Parce pour. Parce qu'il mouille dans la mine. Ah, il y a des endroits, oui, qui mouillent. Puis il y a des endroits où c'est absolument sec aussi. Là. Tu sais, il y a des fissures dans la roche. Puis pour driller dans la roche, faut que ça prenne de l'eau pour pouvoir faire sortir le minerai d'alentour de ton acier pour pas qu'elle vienne pris là puis tu n'es plus capable de l'enlever. Donc, il enlève ça avec de l'eau. quand il y a 40 gars qui drillent en même temps, là, puis que ça en fait de l'eau dans la mine, ben ça, oh, puis l'eau elle a tendance à descendre vers en bas, donc elle se ramasse toute dans le fond de la mine. Mais s'il y a des fissures, elle va passer par les fissures, puis là, ben, il y a des endroits où il... Là, il y a des mines qui sont plus trempes que d'autres. Il y a des mines qui... chez nous, la dernière que j'ai faite, c'était pas une mine. Oh mon Dieu, j'ai fait comme... peut-être 20-25 mines dans ma carrière. Ah oui, non, j'en ai fait de toutes les sortes, comme je t'ai dit, excepté les mines de charbon puis les mines de les mines d'uranium. Ceux-là, ça m'intéressait pas. J'ai fait du permafrost. Alors, on revient à réélever un peu plus tard et on continue en nouvelles. Alors, vous êtes tanné de votre réveil matin, tanné de snoozer et de vous réveiller en retard à chaque fois. Plusieurs compagnies ont essayé de vous réveiller de différentes manières avec leur nouveau réveil high-tech, que ce soit de désamorcer une bombe, résoudre un casse-tête ou tout simplement du bruit très fort. Eh bien, le Snooze & LOL vous offre une autre alternative. Chaque fois que vous snoozez, un peu de votre vrai argent est débité de votre compte et donné à un organisme à but non lucratif que vous détestez. Si ça règle pas le problème, ça... c'est pas pire. Je pense qu'il devrait en avoir plus. On a un autre, vas-y. Oui, allons-y. Alors, à l'intérieur de la cathédrale Hieronymus, construite en 1102 en Espagne, on a retrouvé des sculptures d'animaux mythiques, de saints et d'un astronaute de la NASA. Effectivement, sur l'un des murs, parmi les motifs arborescents, on retrouve un cosmonaute en scaphandre semblant flotter dans les airs. Deux théories semblent plausibles, soit des astronautes sont entrés dans une distorsion spatio-temporelle qui les a emmenés au 12e siècle en Espagne, ou soit une équipe de restauration coquine a fait cet ajout. On passe au vote. toi, zombie, c'est quand tu penses des femmes... Puis toi, Benoît, qu'est-ce que tu penses des filles? Ça me tente pas de répondre à ces questions-là. Là. C'est pas le moment. Non, ben, il y a des jours où je les haïs plus, là, mais là, aujourd'hui, ça va comme pas pire. T'sais. Non, c'est pas la plate. Pourquoi je t'ai invité, Chris? On passe à TC 2000. Voilà. Non, mais c'est ta question qui est BS. En tout cas, disons que il voulait provoquer Zombie, bien répondu, je pense. Hey, sinon, là, on va écouter une séquence de TC 2000. TC 2000, qui est un film de 1991, c'est réalisé par Todd Scott. Et puis, c'est surtout Film One Productions qu'il faut se rappeler, parce que Film One Productions, j'en avais parlé dans le temps de Sans Pitié ni Pardon, c'est la compagnie de Jalal Meiri, le Steven Seagal de Beyrouth, qui a fait son beurre dans les films d'action dans les années 90. Et c'est la compagnie qui a eu, en fait, la compagnie cinématographique canadienne qui a été la plus rentable dans les années 90. Donc, on va écouter ici le début. C'est situé dans un futur où il n'y a plus grand monde qui est en vie. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Post-apocalyptique. Il y en a qui appellent ça de même. Fait que là, on se lance dans l'extrait. Ça ne dure pas trop longtemps. On revient, ce sera pas long. Personne n'avait jamais pris des problèmes d'environnement au sérieux, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Des années de pollution avaient empoisonné la nourriture, l'eau et l'air. La faim et les maladies avaient décimé la majeure partie de la population. Les riches émigrèrent sous terre, où la vie était plus sûre. Tous les autres restèrent à la surface. Bandits et criminels s'organisèrent en gangs. Quand ils ne s'entretuaient pas, ils essayaient de pénétrer le monde souterrain pour y voler de l'eau et de la nourriture. Et voilà, voilà, voilà. C'est là que j'interviens. Je travaille dans une unité TC Tracker Commander, une division d'élite des forces de sécurité du monde souterrain. Notre boulot, c'est de traquer les breakers. De les ramener là-haut. Les breakers? De les tuer. Les breakers. C'est comme les runners. ça doit être à peu près ça, ouais. Je pense que c'est à peu près ça. Sinon, ça va un petit peu plus loin, parce que là, on comprend qu'on est dans un futur post-apocalyptique. On comprend que le héros est viril dans son... En tant que Billy Blanks, veut pas, là, j'essaie de trouver ça en disant des phrases qui veulent dire quelque chose. Billy Blanks, c'est le gars avec le Steven Seagal de Beyrouth. De Beyrouth, oui, Billy Blanks, c'est la nouvelle mascotte. Ben, en fait, c'était la mascotte de Subway avant Jared. Donc. Ouais. Je crois qu'il y a eu un avant Jared. Oui. C'est lui qui a inventé le Taibo. Checkez bien ça. Ça se peut que ça devienne personnel. Non! Ah non! Ah, Zoé. Oh, mon Dieu. Cette fois, c'est sérieux. Ils ont une vraie balle, ces ordures. Tiens le coup, on va te sortir de là. Ne parle pas, garde tes forces. Tu m'as menti, Jason. Tu disais qu'on prendrait notre retraite ensemble. Tu verras, je le sais, j'en suis sûr. Zoé. Zoé, non. Non. Zoé. Elle s'appelle Cerise? Non, Zoé. Non! Aïe, meurs, chienne! Mais pourquoi voulez-vous qu'elle aille à la station terminale? Le check est bien ça, beau speech. Dis-moi seulement si tu peux la programmer pour qu'elle fasse tout ce que je veux. Certainement. Mais si vous voulez qu'elle aille s'occuper des lifers à la station terminale, elle le fera, et sans poser de questions. Mais elle aura peut-être besoin d'aide. Cela dit, je peux la rendre quasiment invincible. Mais il faut qu'elle soit morte? Cliniquement. Pour la restructuration des neurones. Est-ce que tu lui effaces toute mémoire? Trop dangereux. Est-ce que c'est un peu comme Robo Flick? Personne ne saurait réactiver. Un petit peu beaucoup, oui. Mais mieux. C'est pas exactement ce que le superviseur avait prévu, mais ça me plaît beaucoup. Mm-hmm. Il va pouvoir lui faire Non, il faut que je m'occupe sérieusement de Storm. De Storm. Parce que Jason Storm, c'est le nom de notre héros. Notre héros qui est joué, bien sûr, par Billy Blanks. Billy Blanks qui est, bien sûr, quelqu'un de très important dans le monde parce qu'on s'en fout de Billy Blanks. Là, on va aller écouter une toune. On va l'appeler 13 Engine Conquistador. Ils ont sorti ça en 1995. C'est le dernier album de ce groupe canadien que j'aimais bien gros dans le temps. Là. Mais vous allez voir, elle est gentille. Fait qu'on vous revient à 70%. Emma, tu vas nous parler de l'Imal, hein? Oui. Ça va être génial. L'Imal, never conquistador. Alors, suite à au visionnement répété de l'excellent clip Neverending Story avec Limahl, j'ai eu envie d'en apprendre plus et de vous en parler après. Car Limahl, c'est vraiment un wannabe qui a jamais réussi. Donc, premièrement, son vrai nom, c'est Christopher Hamill, puis il a eu 49 ans cette année. Hamill, Limahl. Oui, c'est exactement ça. Il n'y a aucune source spirituelle à son nom de scène. C'est vraiment un anagramme de son nom de famille. C'est le fun, hein? Mais son premier CD, là, il l'a publié, mais pas publié, il l'a sorti avec un vrai label, puis c'est un CD de Noël. On fait ça à la fin. Ouais, d'habitude, c'est à la fin, mais lui, il l'a fait avant, puis il s'appelait Chris Hamill, puis ça n'a pas marché. Fait que finalement, il a écrit une vraie annonce de journal. Puis je l'ai traduit textuellement, c'est toute beauté. C'est « Beau chanteur de talent, auteur, compositeur, interprète, cherche des musiciens pour former ce qui pourrait être un groupe à succès. » Mais il n'y a pas eu de réponse jamais. Fait que finalement, il a répondu à une annonce qui cherchait un chanteur, puis ça a marché. Puis ça a donné le groupe Kajagoogoo. Kajagoogoo, oui, ouais. Avec... voyons. Mais donc, le pire, c'est pas ça, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas Kajagoogoo sur Neverending Story, c'est juste Limahl. Oui. Parce qu'il a été kické out du groupe un an après la formation. Mais c'est comme très nébuleux, là, on sait pas encore pourquoi. Mais il y en a qui disent que c'est parce qu'il nuisait à l'image du groupe. Il y en a un autre qui dit... Il y en a qui disent que c'est le manager qui voulait plus le voir là. Puis, il y en a un autre, il me semble que c'est la meilleure, puis je m'en souviens plus. Ah oui, c'est qu'il s'est jamais bien entendu avec les musiciens parce qu'il se prenait trop pour un bon, là. Fait que, finalement, il s'est retrouvé genre chanteur solo, puis c'est là qu'il a rencontré à Tokyo Giorgio Moroder, qui a fait les bandes sonores de Midnight Express, Top Gun, Scarface, Over the Top et tout et tout. Puis c'est là qu'il a proposé... Over the top! C'est super bon! En tout cas, j'ai tout à Kaby, tu sais, le monde de l'université, là, c'est tout ça, tout au poignet. En tout cas, c'est là qu'il a fait Never Ending. Mais c'est pas fini, parce qu'après, il a fait d'autres choses qui ont jamais marché. Puis maintenant encore, il essaye de faire des choses qui marchent pas, dont retourner sur scène avec une perruque de ses cheveux de l'époque. Hey, ça, c'est fort. C'est lame, hein. Ça, c'est fort, hein. Fait que voilà. Puis j'ai même appris qu'il a chanté en français Neverending Story, puis que ça existe sur un vinyle sur Side B. Puis je veux le trouver. Ben, en tout cas, si tu le trouves, je veux l'avoir, et moi aussi, je veux le trouver. On est deux là-dessus, Emma. C'est super, ben. Histoire sans fin. Des paroles sont disponible sur Internet, si vous voulez. En tout cas, ceux qui entendent seulement la radio et qui ne voient pas le clip, ça vaut la peine. Limahl, c'est quoi? C'est L-I-M-A-H-L? Exactement. Essayez ça sur YouTube. L'histoire sans fin, Never Ending Story, vous allez voir... YouTube, il était amoureux des racines et des légumes, je ne peux que... Tell Me Why, c'est bon aussi. Ça, c'est en 2006, c'est quasiment pire. Ah, tu veux dire? Tell Me Why, c'est la dernière tune qui parle de mariage, de madame, de bébé. Non, pas... Bruno, une nouvelle? S'il te plaît. OK. Merci beaucoup, hein, Emma, c'est parfait, ça. T'es la bienvenue quand tu veux, t'es notre experte en patinage. Ça en prend une, c'est parfait, ça. OK, alors on continue en nouvelles. En fait, c'est pas vraiment de nouvelles que je vais lire là, mais c'est le fun pareil. S'il y a quelque chose que j'aime bien, c'est les illustrations de mise en garde dans les manuels d'instruction, et celles des Japonais sont particulièrement mémorables. J'en ai ici, puis je vous jure que c'est vrai, là, je vous en décris quelques-unes. Alors, vous ne pouvez pas contrôler votre blonde avec le remote. Vous ne pouvez pas utiliser votre calculatrice comme cerf-volant. Vous ne pouvez pas utiliser votre purificateur d'air comme partenaire de ping-pong. Vous ne pouvez pas vous faire disparaître avec votre humidificateur. Et vous ne pouvez pas piéger des singes avec votre lecteur DVD. Ah ben ça, ça marche par contre. J'ai déjà essayé, voyons. T'es regardes puis tu te demandes si c'est des jokes, si c'est des vrais warnings. Ben, ouais, mais il y a des lecteurs DVD que quand tu sors, il y a comme un trou dedans. Ouais. Peut-être que si tu le fermes sur le doigt du singe... Ben, l'image, tu vois vraiment un lecteur DVD avec une banane dessus puis un singe à côté qui essaye de la prendre. Ah ben, exact. Merci beaucoup, Bruno. C'est parfait. Si on vit, t'as-tu une question pour Benoît? Ben pour moi, zombie, la misogynie, c'est d'en vouloir aux filles de pas être des gars, en gros. Mais tu sais, ça, c'est comme à la base, c'est un peu une question d'amour propre. Parce qu'à la place d'en vouloir aux filles d'être des filles, je pourrais en vouloir aux gars d'être des gars. Sauf que, tu sais, ça serait pas ben utile dans mon cas. Sauf que le problème, à la base, tu sais, c'est le problème. Parce que, tu sais, si on en parle, c'est qu'il y en a un, tu catches. C'est fort, c'est fort. Hein? C'est ça, la misogynie zombie. Ah, cool. Puis ouais. Est-ce que tu préférerais nous en parler plus profondément si Emma sortait de la salle? Hein? Ah, non, non, je m'en calisse. Une fille dans le terrain? Non, non. Non? Non, non. Tu sais, je suis comme... j'ai comme une espèce de ground zero par rapport à ça, tu sais. Il n'y a plus rien qui m'affecte, là. C'est parfait, ça. Benoît qui vit selon ses convictions, c'est beau, ça, quand même. C'est comme à contre-courant de ce qui arrive de nos jours, là. Moi, souvent, je parle avec les gens, puis je pense que le Québec est surtout matriarcal. Et puis, ben, quand je dis ça à du monde, souvent, je me viens qu'à comme... Ça parle plus fort qu'avant. Ouais. Peut-être c'est moi aussi qui ai une graine de misogynie qui grandit. Hein. Bon, on a tout faut pas ben l'arroser, ouais, ben celle-là. Ah, non, mais sinon, je pense qu'on va l'écouter un bout de Réal V. Benoît encore. Oui, ça fait... dans l'ordre des choses. Oui, c'est ça, une chose à la fois. On va écouter un petit bout de Réal V. Benoît parce que, ben, en fait, on va en écouter encore une dizaine de minutes, puis on va s'en garder un autre 20 minutes pour la semaine prochaine parce que là, on a plein d'amis, puis on veut poser des questions à Zombie. Israël ouais. veut faire des questions. Question pour Zombie, c'est ouais, ouais, j'en ai une, je vais y poser, mais juste après Réal V. Benoît, parce que okay. là, on va l'écouter là, parce qu'il est fort Réal. Ben là, il faut qu'il parte, là. Vas-y, Réal. Je sais que t'es capable. Non. Pourquoi il veut pas? Ah. Tu as vécu là, on a des températures fort. Qui vont de moins 30 à plus 30. Là. Ouais. Mais si tu vas sous terre, ça va être tout 10, temps, entre 5 et 10 degrés. Puis que ce soit moins 30 dehors, toi, tu descends sous terre, c'est 5-10 degrés. Degrés. Que ce soit plus 30 sous terre, en haute, tu descends sous terre, c'est 5-10 degrés. Donc, tu dis, je mets un habillement, une chemise de telle façon, des pantalons, puis tu sais que ça va c'est être tout le temps ça que tu peux mettre. Ça va être confortable. Là, si tu t'en vas dans des places où il pleut plus que d'autres, bien là, tu te mets un costume de Robert. Parce pour, qu'il mouille dans le mien. Ah, il y a des endroits, oui, qui mouillent. Puis il y a des endroits où c'est absolument sec aussi, là. Tu sais, il y a des fissures dans la roche. Puis pour driller dans la roche, faut que ça prenne de l'eau pour pouvoir faire sortir le minerai d'alentour de ton acier pour pas qu'elle vienne pris là puis t'es plus capable de l'enlever. Donc, il enlève ça avec de l'eau. Quand il y a 40 gars qui drillent en même temps, là, puis que ça en fait de l'eau dans la mine, ben ça. Cool. Puis l'eau, elle a tendance à descendre vers en bas, donc elle se ramasse toute dans le fond de la mine. Mais s'il y a des fissures, elle va passer par les fissures, puis là, ben, il y a des endroits où il y a des mines qui sont plus trempes que d'autres. Il y a des mines qui, chez nous, la dernière que j'ai faite, c'était pas une mine. Oh mon Dieu, j'ai fait comme peut-être 20-25 mines dans ma carrière. Ah oui, non, j'en ai fait de toutes les sortes, comme je t'ai dit, excepté les mines de charbon puis les mines d'uranium. Ceux-là, ça m'intéressait pas. J'ai fait du permafrost. Ça, c'est extrêmement rare, là, du permafrost. C'est la permafrost. Terre. Clé permanente. Ben oui, ben oui, c'est les spécial. Il y a un film qui vient de sortir sur ta vie. Tu veux-tu nous en jaser? C'était-tu le fun? Trois ans, hein? Le gars t'a suivi pendant 3 ans. Mon Dieu, c'était une expérience. C'est sur ta vie ou c'est sur les 3 dernières années? C'est pas sur ma vie, c'est sur la production de l'album Sérieusement. C'est du début, de l'idée de départ jusqu'à la fin. Au lancement, puis le grand apothéose au festival, au cinéma, au théâtre du Cuivre à Rouen, qui est notre salle, notre place des arts à nous autres à Rouen, ben, ça a fini, le film est fini, où je fais le récital au théâtre du Cuivre à Rouen avec Psycho Garavante, qui sont mes 3 musiciens accompagnateurs. Mais le film, il commence dans les premiers balbutiements de Sérieusement. Le retour de Fred Fortin, puis de okay, pourquoi je suis réapparu dans le décor? Pourquoi Réal V. Benoît il est revenu sur la scène? Moi, j'aimerais vraiment ça le voir. Ah, vous allez probablement le voir à un moment donné. Et comment ça s'est produit? Il a commencé, le gars, pendant 3 ans de temps. Je me rappelle quand il est venu nous voir chez nous, puis il dit à moi puis lui, il dit, si vous dites oui là, à mon projet, là, il dit, je vous colle aux fesses pendant 3 ans de temps. Il dit, vous allez me trouver tannant à un moment donné. Là. Partout, show business. Tout ce qui touchait show business, là, il était là, lui. Il était là tout le temps. Je pense que c'est un prof de Rouen. C'est un professeur de cinéma du cégep à Rouen. Cégep de Rouen, c'est ça. Qui... Tu sais, un professeur, ça veut faire des choses il enseigne le cinéma, donc il veut en faire aussi. Puis lui, c'était ça son passe-temps. Puis ça lui a pris 3 ans à faire le film, puis ça lui a pris à peu près 1 année à faire le montage. Puis de... là, il l'a mais présenté au festival du cinéma. C'est punchy. Quand tu présentes ton film au festival du cinéma à Rouen, là, je veux dire, eux autres, ils en ont 1000 films là, à regarder, ouais. Là, puis ils vont en poser pendant une semaine de temps. Là, t'es pas sûr là même qu'ils vont le choisir, ton film. Puis lui, il a été choisi à travers la gang de films. Mais, y a aussi, tu mettais du poids dans la balance du fait que tu venais de Rouen. T'sais. Pas nécessairement. Eux autres, okay. non, pas du tout. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Parce que on l'a rencontré, nous autres, Jacques Matt. Cinéma, ils ont donné les règles du jeu. Là. Ils disent, on regarde le film, puis c'est pas bon. Ça a beau être un pape. Là. C'est pas bon. Nous autres, on le passe pas. Là. Ouais, puis on l'a pas visionné réel non plus. Il l'avait pas vu avant la première. Quand on a resté bourbé, là, quand on a regardé. Ah oui, j'étais surpris, agréablement surpris. Le monsieur, quand on l'a rencontré la première fois, il dit, moi, du Réal, il dit, je viens de te découvrir, puis il dit, je pense qu'il devrait rester une trace de toi dans la région. On est en Abitibi, on est chez nous. Lui, là, il a 27 ans, puis il dit, je viens de te découvrir, puis je pense qu'il devrait rester une tranche de toi dans la région. L'autre chose, il dit, quand on écoute ta musique, puis quand on parle avec toi ou qu'on te voit... faire un récital, il dit, c'est deux choses. Il dit, c'est deux choses. Il dit, les gens, ils connaissent ta musique, connaissent tes chansons, mais ils connaissent pas le bonhomme comme tel. Ils connaissent pas le personnage. Puis il dit, moi, j'aimerais ça dans mon film, vu que c'est visuel, faire ressortir surtout le personnage. Il dit, c'est sûr, on va parler de ton album, on va parler de tes affaires, mais il dit, moi, je vais surtout aller fouiller dedans. Tes gestes, la manière de t'exprimer, la manière de te présenter, la manière de faire telle affaire. Puis il dit, c'est ça que je veux faire ressortir, parce qu'il dit, il y a quelque chose dans ça aussi, tu sais. Puis si t'es un amateur de biographie, est-ce que tu considères que ça, c'est quelque chose qui ressemble à la chose? Ah, je trouve ça extraordinaire. Je pense que le monsieur, il a 100% réussi son défi du départ de nous. Il a placé sur pellicule... Il a dit qu'il était pas faire. Exactement. Puis 3 ans de ma vie, là, inoubliable. Je veux dire, nous autres, on a vécu une expérience fantastique en faisant cet album-là. En faisant le retour aussi, là, ça devait être de... Et là, ça nous tombe devant les yeux. On se regarde aller, puis on se dit... Hey, on est dans le film, tous les deux, naturellement, parce qu'il était là tout le temps. Mais moi, ce que je dis, puis je continue à dire à Réal, c'est que j'ai hâte qu'il nous en donne une copie, parce qu'on l'a pas vu, le film, vraiment. Ouais. Parce qu'il faut comprendre qu'il était au-delà de 3 ans à nous filmer. Mettons qu'il y a une séquence qu'on voit sur la grand écran. Puis là, quand ça tombe à une deuxième séquence, nous autres, on a vécu peut-être 4 mois d'autre chose. Alors, ouais. Ton cerveau, lui, est ailleurs pendant que ça se joue. Fait que t'en manques des petits bouts, tu sais. Ah, ouais. Fait qu'on a vraiment hâte de le revisionner pour vraiment être capable d'absorber toute la matière. Mais ce qu'on a vu, là, c'est génial. Et prendre, on ne sait pas comment ce qu'il est fait pour tout prendre, tous ces kilomètres de film, là, puis faire... Une heure, tu sais, on le sait. Là. Quand j'allais vous voir au spectacle, où il était tout le temps là. Ouais, il y a Fred Fortin dans le film, il y a. En tout cas, il y a. Marc Hamilton. Parce que, non, c'est pas. Si loin non, que on n'est pas allé dans ces. Si, on est allé. Non, avec le film, sérieusement, qui était du nouveau matériel. C'est 100% nouveau. Pour finir, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on était surpris, parce que il y avait Richard Desjardins, 4 Richards, et puis. Puis Réal avait fait le FME il y a 2 ans. Bien, hey, ils se sont pris dans les bras, hein, dans les bras et l'autre. Puis, hey, là, ils ont filmé ça. On a chanté pas dans... le festival ensemble. Pour vrai? Ben oui. Moi, puis Richard. Puis, c'est pas dans le film. C'est drôle, tu sais. On a chanté d'un bout à l'autre. Ouais. Ben, on a rencontré Tex Lecor quand on est allé à TQS. Puis, c'est la même chose. Tifré, tu sais, Tex. Salut, Tifré. Puis, c'est pas dans le film non plus. Fait que, comme je te dis, il y a beaucoup de moments que nous, on savait qu'il avait été filmé. Mais par contre, il y a des moments qu'on pensait qu'ils étaient pour être dans le film, puis qu'ils ne sont pas. Mais il y a des moments qu'on avait oublié qu'ils avaient tourné, puis ils sont dans le film. Fait que c'est extraordinaire, on a hâte de le revoir. Là. Ben oui, je comprends. Moi, il y a quelque chose qui me perplexe assez un petit peu. C'est parce que si on regarde à peu près tous les albums, il y a le même sourire de champion de Réal V. Benoît. Pourquoi est-ce que t'es autant content sur les photos, mais que les textes, ils sont souvent dépressifs ou contestataires ou révolutionnaires engagés, disons? Ben, c'est-tu incompatible l'un et l'autre? Je veux dire, si moi, je trouve que la vie, des fois, est plus dure qu'on semble vouloir le dire ou vouloir le faire accroire... Puis moi, je vois ces petits bouts-là de vie et je fais des chansons avec. Est-ce que ça m'empêche de rire quand je te rencontre ou quand je sors sur le trottoir ou quand quelqu'un prend une photo? Je veux dire, je peux pas nécessairement les changer, ces moments-là, mais je les vis, par exemple, puis je me dis, peut-être que ça pourrait être différent, puis ça serait bien mieux si ça l'était. Je veux dire, le fait que je parle à un moment donné dans « J'aime pas mes gens durs » des banquiers qui gagnent un million par mois, tu sais, je veux dire, moi, j'ai travaillé toute ma vie dans la mine, puis je veux dire, je faisais des bons salaires à la fin. On faisait des très bons salaires. Mais on faisait pas un million par mois. Je veux dire, quand moi, je m'aperçois qu'un banquier, ça gagne un million par mois, puis ça me dit que ça fait un milliard de profit à tous les trimestres. Puis qu'ils font pitié après. Puis là, je prends mon papier et j'écris ça. Je veux dire, après que j'ai fini d'écrire cette chanson-là pour peut-être dénoncer la situation, faut-tu que je parte à pleurer puis que ça va être encore bien pire, ma vie, dans ce temps-là? Non, là. C'est ça. Hein. On est aussi bien d'en rire. Je veux dire, j'essaie, quand je fais mes présentations... Yeah! Quand je fais mes présentations, j'essaie de mettre... De rire un petit peu dans les présentations, parce que la chanson qui s'en vient, des fois, c'est un coup de marteau, mais moi, j'ai tendance à trouver ou à voir ces côtés-là. Je veux dire, c'est dans moi, je suis comme ça. Je sais pas. Moi, j'ai déjà essayé d'écrire des chansons d'amour, puis je suis pas capable. Puis j'ai dit à Claude, j'ai écrit une fois une chanson d'amour dans ma vie, puis elle finit mal. Tu sais, je veux dire, ça finit pas le vécu heureux, dure beaucoup d'enfants, ça finit. C'était pour son chum. Ouais, peut-être, mais c'est pas dans mes cordes, c'est pas des choses qui m'attirent. Je suis pas capable d'écrire ces affaires-là, mais dans J'aime pas mes gens durs, une chanson que moi j'adore, tu l'écouteras, tu vas voir qu'il y a quelque chose dans cette chanson-là qui parle de la vie d'aujourd'hui, puis que moi, j'ai vécu, et que c'est encore bien pire. Je veux dire, dans mon temps, quand je commençais à travailler, les banquiers faisaient pas un million de salaire par mois. J'exagère pas, là. Tu nous l'as dit, t'as failli aller banquier, travailler dans une banque, puis c'était pour 40 $ par mois. Ça n'avait rien à voir avec ce qui se passe. 40 $ par mois, ça me frustre, ces choses-là, puis je l'ai dit. Je veux dire, c'est comme ça. Je veux dire, la recommandation, c'est... On peut se payer Réalvé Belois en concert? Oui, il y a moyen. Au travail du site Internet. C'est écrit « comment... offre de récital », ça veut-tu dire que je pourrais payer pour t'avoir dans mon salon? Ben, ça voudrait dire que si tu veux avoir Réalvé Belois... Terroriste! Pourquoi avez-vous autant de valeur pour lui? Ce salopard a essayé de m'éliminer cette nuit, mais il a échoué. À l'aube, je vais le traquer comme un animal et j'accrocherai sa peau au mur. Vous n'aurez pas à le traquer. Pourquoi? C'est lui qui vous trouvera. Vous êtes fou. Un homme seul contre du commando d'élite. Mais pour qui prenez-vous cet homme? Dieu? Non, Dieu aurait pitié. Lui, non. Ça vous autres les gars, Philippe Godette, David Simard et Marc nouvellement Fantôme Lebel. Merci. Ben merci Tommy. Ben là, c'était plaisant. La prochaine fois. C'était sympa. On est content d'être venu donner notre 70%. Bien placé. Salut les amis, j'ai une question pour toi parce que ça fait un bout qu'on s'est pas vu puis je me demandais finalement tu l'as-tu fourré ta cousine? Oh non, les détails croustillants. Mais en fait, elle est au deuxième degré de ce que j'en sais. non, moi, c'est ça. Je voulais parler de TC2000 ici, hein, parce que c'est quand même le film de la soirée. Oui, vas-y. Oui, c'est oui. Oui, j'ai trouvé drôle la question. Okay. Surtout la réponse. Ça crée des images, en tout cas. OK, on va parler de TC2000. On va parler de ça pour vrai, là. Ah non, avant d'en parler, j'aimerais mentionner à tout le monde que j'ai reçu un coup de téléphone de Michael McNamara, yes, qui est un des deux Twin Dragons moustachus, et puis dans le cadre de l'émission 70%, et puis aussi bien sûr pour le documentaire que JP est en train de tourner, et puis simplement pour ma curiosité personnelle et recevoir un cours d'arts martiaux des plus prolifiques jumeaux de l'hémisphère austral. Ou aller parler au Twin Dragon Moustachu. Ça devrait se faire le 12 février prochain. On va aller parler au Twin Dragon Moustachu. Dont on a vu un des films qui était vraiment... Ah, c'est pas mal dans les fins fonds. On va aller poser des questions. Bon. Pourquoi est-ce que les ninjas ne se battent jamais la nuit? Et puis, ouais, toutes ces affaires-là. Là, on va vous revenir avec des vraies valeurs. Sinon, ben là, pour l'instant, on va parler de TC2000 pour vrai. Avec le Steven Seagal de Beyrouth et Big Bill. On va parler de TC2000, puis si vous avez des enfants à bas âge, vous devriez les éloigner, parce que TC2000, c'est sûrement le plus démesurément loadé, le film le plus démesurément loadé de combats inutiles, caves et violents, que le souvenir fait vivre dans mes cellules d'autant plus grises en cette fin de janvier. Je commence avec le résumé officiel, que j'ai oublié d'amener, fait que on l'aura pas. La superstar, c'est Billy Blanks, celui qui joue le rôle de Jason, policier d'un futur totalement invraisemblable dans lequel la population humaine tout entière existe dans des souterrains miteux décorés de canalisations. Je ne développerai pas trop sur cet acteur douteux accompli qu'est Billy Blanks, puisqu'on a déjà fait un spécial de ça avant Noël. Pour l'instant, j'aimerais décrire la journée de travail du héros que le film nous fait vivre. Vous allez voir, c'est beau. Après un premier combat dans la zone extérieure, Jason relaxe au commissariat en se battant avec un collègue. Ensuite, de retour au boulot, Jason doit aller botter un gang de rue dirigé par le très méchant Picasso, qui est joué par le Steven Seagal de Beyrouth. La vie étant ce qu'elle est, sa coéquipière se fait tuer durant ce combat. On apprendra plus tard que leur sergent de police les a trahis. En somme, deux points, cette affaire est maintenant personnelle. Comme le boss est un traître, il fait porter le chapeau de l'assassinat à Jason, qui réplique en cassant la gueule de la majorité de ses collègues, puis s'évade du commissariat pour aller mener sa propre enquête, d'autant plus personnelle. Après avoir réussi à s'évader du commissariat, Jason croise un gros nabs laid dans une ruelle. Il réagit instinctivement en lui crissant une méchante volée. Finalement, pour se payer de quoi manger, notre ami fugitif participe à un combat de rue, quoi d'autre, pour gagner l'argent lui permettant de se payer un bon vieux rat burger et de l'eau, parce que bien sûr, l'eau, c'est une denrée rare dans ce futur post-apocalyptique. Et puis, ben, tout ça, c'est une seule journée de travail de notre ami Jason. Et puis là, ben, après ça, il y a la deuxième et la tout, là, il va rencontrer Bolo Young, puis il va se battre contre Matthias Hughes. C'est ça, parce que, outre le sublime Blanks, ce douteux mémorable, mais également vedette Jalal Meri, le Steven Seagal de Beyrouth, Bolo Young, Matthias Hughes et un moustachu vraiment très, très, très, très fade dans le rôle du boss des méchants. Donc, on va avoir encore le Steven Seagal de Beyrouth et encore Big Bill dans le même long métrage. Je suis vraiment, vraiment content, là. Et puis, j'aimerais faire remarquer l'espèce de programmeur imbécile de deux de Cossien qui a décidé de donner à l'ordinateur central de leur base surfuturiste la voix qui suit. Attention, fugitif signalé secteur 4. Intervention immédiate pour toute unité trackers dans ce secteur. Suspect dangereux à capturer en priorité. C'est bien sûr Billy Blanks qui s'évade du commissariat tel que discuté précédemment. Là, il y a des lasers un petit peu. Hein. Trackers, Jason Storm ne fait plus partie de nos effectifs. Il a fui notre cité et cette fuite représente un danger pour tous. D'autre part, j'ai des informations qui confirment que c'est lui qui a orchestré et provoqué la mort de Zoe Kinsella. Jason Storm est un traître et doit être capturé. Et qu'est-ce que t'en penses, Phil? Zombie, il trouve que ça sent bizarre. Hein? Ah non, mais ça, c'est en fait, c'est l'avant-dernière séquence que j'ai préparée pour nous mettre l'eau à la bouche. On comprend que le méchant boss de police a manipulé les anciens collègues de Jason pour lui... Ben, en fait, pour aller éventuellement lui botter tout ce qu'il y a de postérieur. Et puis, ben là, on va retourner dans le film parce que Jason a des recours, Jason a de l'aide, Jason n'est pas seul. Jason va aller voir Maître Soumaï, qui est joué par le très, très, très volumineux Bolo Young. Vous avez gagné le respect de mon père, Tracker. Ça n'arrive que rarement. Je m'appelle Jason. J'ai aidé votre père. Ensuite, il m'a aidé. En ce qui me concerne, nous sommes quittes. Il souhaite quand c'est même voir Sylvester Stallone en français. Ouais, hein, je pense que oui. Comment allez-vous récupérer? Elle vous appartient. Vous auriez gagné ce match de toute façon. Mais j'accepte d'échanger cette eau contre un bien plus précieux pour moi. Un renseignement. Je cherche un homme qui a des peintures sur le visage. Nicky Picasso. Et voilà. Mais c'est sûrement lui avec et un nom et pareil. Et voilà. Peu nombreux sont ceux qui ne connaissent pas Nicky Picasso. Ben là... Et qu'est-ce que tu lui veux? Un homme avec des peintures. Il a tué mon équipière. et je veux le retrouver. Il le terrorise depuis des années. Pourquoi ça n'avoir rien tenté contre lui? Souma, es-tu un guerrier? Pourquoi n'as-tu rien fait? Il ne peut rien tout seul. Il y a un petit foyer. Qui lui a sa bande? Eh bien, on n'a qu'à faire comme lui, tout bêtement. On recrute de bons éléments et on va lui rendre visite. Seuls les Lifers peuvent affronter Nicky Picasso. Alors on y va avec les Lifers et le problème est résolu. Les Lifers ne sont pas nos alliés, ce sont tous des criminels. Ils forment une confrérie. Ils protègent la station terminale. La station terminale? C'est une usine où sont entreposés des missiles destinés à la guerre chimique. L'humanité entière devait être totalement anéantie. Mais la couche d'ozone s'est reformée toute seule. Complètement fou. Jusqu'à présent, personne n'a pu y pénétrer. Mais il est possible qu'un jour quelqu'un y parvienne et lance ses missiles. Picasso? C'est un homme vraiment très intelligent. Je vais m'occuper de lui avec ou sans votre aide. Avec ou sans. Attaque-le de jour. Écoutez bien ça. C'est la seule façon de s'attaquer à sa forteresse. Écoutez bien ça. Il pense que seul un idiot pourrait l'attaquer de jour. Personne ne m'a jamais accusé d'être brillant. Tadam! Du grand Billy Blanks qui se prépare à aller affronter Pablo Picasso. Est-ce que Nicky Picasso, pardon. Ne pas comprendre. Non, c'est pas pareil. Hein? Hey, là, je vais mettre Vilo, les brunes comptent pas pour des prunes. On l'écoutera pas au complet parce que c'est trop infect. C'est Bruno, si tu bon! Oui, ça fait, c'est pas mal touchant. On vous revient avant la fin pour parler des vraies affaires avec Bruno, parce que tu vas nous poser une question à zombie. Puis tu vas nous lire une nouvelle. Puis tu vas nous lire une nouvelle. Fait que Vilo, les brunes comptent pas pour des prunes. Ils font jamais ça, même. M'entends pas. OK. Alors, comme beaucoup d'enfants, Diego Palacio ne voulait pas retourner à l'école après les vacances de Noël. Par contre, il est probablement le seul à avoir pris des mesures drastiques pour parvenir à ses fins. Son truc, un lit et un peu de colle. Le petit Diego voulait tellement un congé éternel qu'il s'est collé la main sur une patte de lit. Après avoir tout essayé pour dissoudre la colle, sa mère a appelé les ambulanciers qui ont réussi à le décoller sans blessure pendant qu'il regardait ses bonhommes à la télé. Il est arrivé 4 heures en retard à l'école. Bon travail, bonhomme. Faut pas qu'il en parle à tout le monde, parce que sinon, il va falloir qu'il trouve une nouvelle sorte de colle pour étudiants frustrés. Alors, zombie, j'ai une question pour toi. Alors, est-ce que tu as déjà pratiqué le cannibalisme, toi? De plusieurs façons. De plusieurs façons. Parce que il y a un Texan de 25 ans qui a tué sa blonde et qui en a mangé des bouts après avoir appelé la police pour les avertir qu'il allait faire ça. Bon, c'est pas si intéressant que ça, puis je vous en parlerai pas si c'était pas que maintenant PETA, l'organisme politique pour le traitement éthique des animaux, demande à la cour de lui imposer un régime végétarien en prison. Alors là, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment avoir une corrélation directe entre le fait qu'on est omnivore puis qu'on est cannibale? Non, je sais pas, man. Je comprends pas, là. C'est weird, là. C'est pas pour les animaux, anyway. Ouais, c'est ça. Sa femme, c'est une chienne, c'est ça. C'est ça que ça... Benoît qui a une opinion solide ici en studio. Excellent. Hey, on est déjà rendu pas mal à la fin. Hein? On dit bon. Ça passe vite quand on a du fun. Vous savez, les amis, des fois, ça finit. C'est comme ça. Alors, oui. On chante la chanson de la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. On s'est amusé avec Tommy Zombie. Et... Bon, OK. Ben merci, Zombie. On va finir et élever Benoît la semaine prochaine. On s'en va écouter TC 2000 au Rocket avec Emma, Bruno. Merci beaucoup. Merci, Limal. De rien. Limal, comment? C'est la fin de l'émission. Ouais, merci, là, c'est Bruno, un Emma, fait. Israël. Vous avez écouté 70%, puis... C'est ça. C'est ça, man. On vous aime. Chaque jour, prochaine. Un cadeau. Aïe, aïe, c'est pas bon. Les veines me fait dans le front. J'ai vraiment mal à mon ex-guitare. Le sang est dur. Faut écouter du doute. Tous les vendredis soirs, quand arrive la fin de semaine, il faut que t'ailles prendre une bière en face de chez vous à taverne. À chaque fois tu sors sous comme un cochon, c'est immanquable. Et quand t'arrives chez vous à la maison devant ta femme, tu jures que c'est fini, que personne ne te reprendra plus, que tu es bien guéri par la leçon que tu as eue. Tu parais réfléchi et décidé à ce qu'il semble, mais à la moindre petite occasion, tu recommences. Ça fait 3 ans que t'es marié, tu viens juste de sortir des dettes. Ton char veut plus marcher, ta femme veut de nouvelles toilettes. Tu vas sans hésiter donner ton nom à la finance. Et quand t'as fin du mois, encore pour 5 ans, ça enclenche. Tu jures que c'est fini, que personne ne te reprendra plus, que tu es bien guéri par la leçon que tu as eue. Tu parais réfléchi et décidé à ce qu'il semble, mais à la moindre petite occasion, tu recommences. Ne t'en fais pas pour ça, mon pauvre vieux, y en a bien d'autres qui ne sont pas plus fins et font tout à fait la même chose. Chaque fois que la vie t'a eu, dis-toi que tu ne fus pas le seul. La recommençation, c'est comme la tâche originelle. On jure que c'est fini, que personne ne nous reprendra plus, que l'on est bien guéri par la leçon que l'on a eue. L'on paraît réfléchi et décidé à ce qu'il semble, mais à la moindre petite occasion, on recommence. On jure que c'est fini, que personne ne nous reprendra plus, que l'on est bien guéri par la leçon que l'on a eue. L'on paraît réfléchi et décidé à ce qu'il semble, mais à la moindre petite occasion, on recommence. Lundi, j'ai oublié la date d'aujourd'hui, mais on écoute l'épisode 25, lundi 14, on me souffle derrière, l'épisode 25 de Dans ta bulle, l'émission BD sur les ondes de Choc FM. Vous êtes avec Julie et Christophe et leur nouveau jingle remixé pour Dans ta bulle. Un programme bien rempli cette semaine. On vous parlera des chroniques Birman de Guy Delisle. On n'a pas eu le temps d'en parler la semaine dernière. On se penchera aussi sur un excellent album de 2007, Trois ombres de Cyril Pedrosa. Et enfin, on évoquera le nouvel épisode de la série parallèle de Spirou et Fantasio. Alors voilà, c'est sans doute l'album dont on entend le plus parler en ce moment dans le monde de la BD, ici au Québec,